Chapitre 2e. Dans cet état déplorable, quoique réduit à une extrême faiblesse, je ne perdis pas connaissance. Je déchirai ma chemise pour m'en faire un bandage, et je réussis assez bien à arrêter le sang. Je tâchai ensuite de me traîner jusqu'au haut du fossé. À peine y étais-je parvenu, qu'avec autant de joie que de surprise, j'aperçus venir un homme assez près de moi. J'appelai à mon aide du mieux qu'il me fut possible. L'inconnu s'approcha avec des signes de compassion non équivoques, et en vérité, rien n'était plus propre à la faire naître que le spectacle que j'offrais en ce moment. J'avais la tête nue et les cheveux mêlés et épars, avec des cailloux de sang qui pendaient aux extrémités. Ma chemise entortillée autour de mon cou et de mon épaule était toute rougie par le torrent sorti de ma plaie. Enfin, mon corps absolument nu jusqu'à la ceinture était défiguré par de larges bandes de sang, et le seul vêtement que les brigands m'eussent laissé en était aussi tout couvert. Eh, pour Dieu, mon pauvre ami, me dit l'inconnu du ton le plus affectueux qu'il soit possible d'imaginer. Qui vous a mis dans cet état-là? Et en disant ceci, il me releva et me plaça sur mes pieds. Pouvez-vous bien vous soutenir? Ajouta-t-il d'un air de doute. Oui, très bien, répliquai-je. Sur cette réponse, il me laissa pour ôter son habit dans le dessein de me garantir du froid. Mais j'avais trop compté sur mes forces, et je ne fus pas plutôt laissé à moi-même que je faiblis et tombai presque de tout mon long par terre. Je me retins cependant un peu, en étendant le bras qui n'était pas malade, et je me remis sur mes genoux. Mon bienfaiteur alors me couvrit, me releva tout à fait, et en me disant de m'appuyer sur lui, m'annonça qu'il allait me conduire dans un endroit où on aurait soin de moi. C'est une vertu capricieuse que le courage. Le mien semblait inépuisable, quand je n'avais que moi seul sur qui je pusse compter. Mais à peine eus-je trouvé dans un autre ces sentiments de compassion auxquels j'étais bien loin de m'attendre en ce moment, que tout à coup, ma résolution parut m'abandonner, et je me sentis prêt à tomber en défaillance. Mon charitable conducteur s'en aperçut, et il se mit à m'encourager de temps en temps d'une manière si aimable, si pleine à la fois de bonté et d'enjouement, si éloignée en même temps de la dureté et de la faiblesse, qu'en vérité je crus marcher sous la conduite d'un ange plutôt que d'un homme. Il me fut aisé de voir qu'il n'y avait rien dans ses façons qui se ressentît de la rudesse campagnarde, et qu'ils annonçaient un homme habitué à une politesse ouverte et affectueuse. Nous marchâmes environ 3/4 de mille dans le bois, non pas du côté qui conduisait à la campagne découverte, mais au contraire en nous enfonçant toujours dans la partie la plus épaisse et la moins fréquentée. Nous traversâmes un endroit qui avait autrefois formé un large fossé, et qui était maintenant sec en grande partie, contenant seulement par place un peu d'eau bourbeuse et stagnante. Dans l'enceinte de ce fossé, je n'aperçus autre chose qu'un amas de ruines et quelques vieilles murailles qui semblaient prêtes à s'écrouler. Mais mon conducteur me fit passer sous une espèce de voûte et ensuite par une allée tortueuse totalement obscure, au bout de laquelle nous nous arrêtâmes. Il y avait là une porte qu'il ne m'était pas possible d'apercevoir et à laquelle frappa mon conducteur. Une voix qui, par la force et le volume, aurait pu passer pour une voix d'homme, mais qui, par le son aigre et aigu de la finale, avec quelque chose de féminin, demanda « Qui est là ?» Et sur la réponse qui fut faite de notre côté, j'entendis aussitôt tirer deux verrous. Puis, après plusieurs tours de clé, la porte s'ouvrit et nous entrâmes. L'intérieur du logis ne répondait guère à l'apparence de mon protecteur. Au contraire, on y remarquait un air de dénuement, de négligence et de malpropreté. La seule personne que j'y vis était une femme un peu sur l'âge, dont l'extérieur avait je ne sais quoi d'extraordinaire et de repoussant. Elle avait les yeux d'un rouge couleur de sang. Une chevelure mal tressée et tout en désordre lui pendait sur les épaules. Son teint était basané et sa peau sèche comme du parchemin. Malgré sa maigreur, son corps semblait très robuste et ses bras, surtout, singulièrement carrés et nerveux. Rien de doux ni d'humain ne tempérait la rudesse de ses traits. Son sang paraissait continuellement allumé par une férocité sauvage, toute sa figure respirait la haine et la méchanceté, et on y lisait un besoin insatiable de mal faire. Cette infernale Talestris n'eut pas plutôt jeté les yeux sur nous, qu'elle s'écria d'une voix chagrine et discordante « Que nous amenez-vous donc là? Ce n'est pas l'un de nos gens ?» Sans répondre à son apostrophe, mon conducteur lui ordonna de pousser un mauvais fauteuil qui était dans un coin de la chambre et de le placer devant le feu. Elle obéit avec répugnance et en murmurant Ah, voilà de vautours. Je voudrais bien savoir si des gens comme nous ont des charités à faire. Ce sera notre perte à tous, vous le verrez. Retenez cette maudite langue, lui dit-il d'un ton sévère, et allez vous en chercher une de mes meilleures chemises, une veste et quelques linges. En disant cela, il lui remit un petit trousseau de clefs. Il se mit ensuite à me soigner avec toute la tendresse d'un père. Il examina ma blessure, la nettoya et y mit un appareil, dans le même temps que, par son ordre express, la vieille me préparait les aliments qu'il avait jugés le plus convenables à mon état de faiblesse et de langueur. Ces opérations ne furent pas plus tôt achevées que mon bienfaiteur me recommanda d'aller me reposer, et on était à faire tous les préparatifs nécessaires à cet effet quand nous entendîmes tout à coup la marche de plusieurs personnes en dehors et l'instant d'après un coup frappé à la porte. La vieille ouvrit avec les mêmes précautions qu'à notre arrivée, et à l'instant, 6 ou 7 hommes entrèrent tumultueusement dans la chambre. Ils formaient un groupe assez bizarre, les uns étant mis comme de simples paysans, les autres comme des bourgeois de campagne mal vêtus, mais tous avaient un air de désordre, d'audace et de turbulence, tel que je n'en avais jamais rencontré sur tant de figures à la fois. Mais ce qui redoubla ma surprise, c'est qu'au second coup d'œil, je trouvai dans la mine de plusieurs d'entre eux, et surtout d'un en particulier, quelque chose qui me fit croire que c'était là la bande de brigands auxquels je venais d'échapper, et que celui dont l'air m'avait le plus frappé était ce même adversaire dont l'animosité avait failli de si peu à m'arracher la vie. Aussitôt il me vint l'idée qu'ils étaient entrés dans notre retraite avec des intentions hostiles, que mon bienfaiteur était sur le point d'être volé et moi probablement massacré. Toutefois, ce soupçon fut bientôt dissipé. Ils saluèrent mon conducteur d'un air respectueux en l'appelant leur capitaine. Ils étaient en général très emportés et très bruyants dans leurs propos, qui étaient entremêlés de jurements et d'exclamations continuelles. Mais une certaine déférence pour son opinion et son autorité tempérait un peu leur fougue. Je crus remarquer dans celui qui m'avait attaqué avec tant d'acharnement un air d'embarras et d'irrésolution aussitôt qu'il m'eut aperçu. Mais il chercha à secouer ce premier mouvement avec une sorte d'effort en s'écriant « Qui diable est donc celui-ci? » Il y avait dans le ton de cette apostrophe quelque chose qui éveillait l'attention de mon protecteur. Il lança à celui qui venait de parler un regard fixe et pénétrant. « Et vous, Guinness, lui dit-il ensuite, le connaissez-vous? Ne l'avez-vous jamais rencontré nulle part? « Le diable t'emporte, Guinness, interrompit un troisième. « Tu joues diablement de guignon. Il y en a qui disent que les morts reviennent, et tu vois bien qu'il y a quelque vérité à cela. « Trêve de mauvaises plaisanteries, Jackals, reprit mon protecteur. Il n'y a pas là de quoi rire. Guinness, répondez-moi. Est-ce vous qui êtes cause que ce jeune homme a été laissé ce matin dans le bois, dépouillé et blessé? Eh bien, quand cela serait, voyons. Quelle raison a pu vous porter à agir envers lui d'une manière aussi cruelle? Une assez bonne raison, pardieu, il n'avait pas d'argent. Comment, vous l'avez ainsi maltraité, sans avoir été seulement provoqué de sa part par la moindre résistance? Si, fait, il a résisté. Je n'ai fait que le pousser un peu, et il a eu l'impudence de me frapper. Guinness, vous êtes un incorrigible drôle. Bah, que signifie ce que je suis? Vous, avec votre compassion et vos beaux sentiments, vous nous mènerez tous à la potence. Je n'ai rien à vous dire. Je n'espère rien de vous. Camarade, c'est à vous à prononcer sur la conduite de cet homme, comme vous le jugerez à propos. Vous savez combien de fois il est retombé en faute. Vous connaissez toutes les peines que je me suis données pour le corriger. Ce qui nous dirige dans notre profession, c'est la justice. » Tant la prévention a l'art de revêtir des plus belles couleurs, la plus mauvaise cause du monde, quand une fois on a pris le parti de la suivre. Nous autres voleurs n'ont pas tenté, sommes en guerre ouverte avec une autre classe d'hommes qui volent suivant la loi. Avec une telle cause à soutenir, voudrions-nous la souiller par des actes de cruauté, de vengeance et de méchanceté? Par suite de nos principes, un voleur est un homme qui vit au milieu de ses égaux. Ainsi, je ne prétends pas m'arroger d'autorité sur vous. Faites comme vous le croirez convenable, mais quant à ce qui me concerne personnellement, je vote pour que Guinness soit chassé d'entre nous comme un homme qui déshonore la société. » Cette proposition réunit, à ce qu'il parut, l'assentiment général. Il était aisé de s'apercevoir que l'opinion de tous les autres était la même que celle du chef, quoique cependant quelques-uns fussent en suspens sur le parti qu'il y avait à prendre. En même temps, Guinness se mit à murmurer quelques mots d'insolence et de mécontentement, dont le sens était qu'on eût à prendre garde de le fâcher. à cette espèce de menace, le courroux de mon protecteur s'alluma. Le dédain et l'indignation étincelèrent dans ses yeux. « Misérable, dit-il, je crois que vous nous menacez. Vous imaginez-vous que nous serons vos esclaves ? Non, non, je vous mets à pifère. Allez, allez nous dénoncer au premier juge de paix. Je vous en crois assez capable. Monsieur, quand nous sommes entrés dans cette troupe, nous n'avons pas été assez sots pour ne pas voir que nous nous jetions dans une carrière semée de dangers. Un de ces dangers consiste à avoir avec soi des traîtres comme vous. Mais nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour reculer devant personne. Croyez-vous que nous consentirons à vivre dans une crainte continuelle de vous, à trembler de vos menaces et à marchander avec votre insolence toutes les fois qu'il vous plaira? Ce serait là une belle vie à mener, en vérité. J'aimerais 100 fois mieux me faire tenailler et brûler à petit feu. Allez, monsieur, je vous défie de faire ce que vous dites. Vous n'oseriez, vous n'iriez pas sacrifier tant de braves gens à votre folle rage et de vous afficher devant tout le monde pour un traître et un infâme. Si vous le faites, c'est vous que vous punirez, et non pas nous. Allez-vous-en. » L'intrépidité du chef se communiqua au reste de l'assemblée. Gainos vit bien qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui de les ramener à un autre avis. Après une pause d'un moment, « Je n'imaginais pas, dit-il. Non, le diable m'emporte, allez, je ne ferai pas le pied de veau non plus. J'ai toujours été franc dans mes principes, et un bon camarade envers vous tous. Mais puisque vous êtes décidé à me renvoyer, eh bien, bonsoir. » L'expulsion de cet homme produisit un excellent effet sur la troupe. Ceux qui avaient déjà du penchant à l'humanité s'attachèrent plus fortement à leurs principes à mesure qu'ils virent les bons sentiments prendre le dessus. Jusque-là, ils s'étaient laissés dominer par la fougue et l'insolence du parti contraire. Mais dès lors, ils adoptèrent une conduite toute différente et avec succès. Ceux qui étaient jaloux de l'ascendant que leurs camarades avaient usurpé sur eux et qui avaient pour cela imité ses façons d'agir commencèrent à pencher vers une réforme. On vint à rapporter des histoires de la cruauté et de la brutalité de Gainas envers des hommes et des animaux dont aucune n'était encore venue aux oreilles du chef. Je ne les répéterai pas, car elles ne pourraient exciter que de l'horreur et du dégoût, et il y en avait qui annonçaient une telle dépravation de cœur que beaucoup de lecteurs refuseraient de les croire. Et cependant, cet homme avait aussi ses vertus. Il était entreprenant, plein de persévérance et de fidélité. Son éloignement fut un événement fort heureux pour moi. Ce n'aurait pas été un petit inconvénient que d'être renvoyé sur le champ de cette maison, dans la position critique où je me trouvais, avec encore, pour surcroît de mots, la blessure que j'avais reçue. Et pourtant, je n'aurais guère pu risquer de demeurer sous le même toit avec un homme sur qui ma figure faisait l'effet d'une conscience coupable, en lui remettant à tout instant sous les yeux son propre crime et la sévère réprimande de son chef. Sa profession l'avait habitué, jusqu'à un certain point, à suivre sans réserve la fougue de ses passions et à en voir les suites avec indifférence. Et il aurait pu trouver fort aisément une occasion favorable pour m'insulter ou me frapper, lorsque je n'aurais eu pour me défendre que mes forces presque anéanties. Ce danger ainsi écarté, ma situation me paraissait assez satisfaisante pour les circonstances dans lesquelles je me trouvais. Du côté du secret, elle m'offrait des avantages tels que jamais mon imagination, dans ses plus beaux rêves, n'aurait pu se les figurer. Et d'ailleurs, elle n'était pas dépourvue des ressources que puise un infortuné dans l'affection et l'humanité de ses semblables. Rien ne se ressemblait moins que les voleurs que j'avais vus dans la prison de X et les voleurs de ma nouvelle demeure. Ceux-ci étaient en général pleins de gaieté et de bonne humeur. Ils pouvaient donner la plus libre carrière à leurs idées. Ils pouvaient former des projets et les mettre à exécution. Ils ne prenaient conscience que de leur penchant. Ils ne s'étaient pas imposé cette pénible tâche à laquelle on n'est que trop assujetti dans la société des hommes, de paraître donner une approbation tacite aux choses qui vous font le plus souffrir, ou ce qui est pire encore, de se persuader que tous les torts que vous avez à endurer sont légitimes. Ils faisaient franchement et ouvertement la guerre à leurs oppresseurs. Au contraire, les criminels que j'avais vus en prison étaient renfermés comme des bêtes féroces dans leur loge, privés de tout moyen d'activité et engourdis par une vie indolente. Si dans la fougue de leurs mouvements on découvrait encore de temps en temps les traces de leurs anciennes habitudes, c'était plutôt les écarts convulsifs d'une imagination tourmentée que l'énergie raisonnée d'une âme vigoureuse. Il n'y avait plus pour eux d'espérance à former, plus de projets à concerter, plus de ces rêves brillants qui animent la vie. La plus triste perspective était placée devant eux, et il leur était interdit d'en détourner la vue un seul instant. Il est vrai que ce sont les deux faces d'un même tableau, que l'une est la consommation, la suite inévitable et sans cesse imminente de la première. Mais celle-là ne frappait nullement l'attention de mes nouveaux hôtes, et à cet égard, ils paraissaient mettre tout à fait de côté la raison et les réflexions. Sous certains rapports, comme je l'ai dit, je pouvais me féliciter de ma demeure actuelle. Elle répondait parfaitement au besoin que j'avais d'être caché à tous les yeux. C'était le séjour de la bonne humeur et de la joie. Mais cette sorte de joie n'était pas à l'unisson de mon cœur et n'excitait jamais la mienne. Les personnes qui composaient ce cercle avaient secoué totalement le joug des principes établis par les hommes. Leur métier était d'inspirer la terreur, et l'objet constant de leurs soins était d'éluder la vigilance de la société. Toutes ces circonstances influaient visiblement sur leur caractère. Je trouvais en eux de l'affection et de la bienveillance. Ils étaient susceptibles au dernier point des émotions généreuses. Mais comme leur situation était précaire, on remarquait aussi la même mobilité dans la disposition de leur âme. Poursuivis sans cesse par l'animosité générale, ils étaient naturellement très irritables et très colères. Accoutumés à user de traitements rigoureux envers les victimes de leur déprédation, il arrivait souvent que leur brutalité ne se renfermait pas dans l'exercice de leur profession. Ils avaient contracté l'habitude de voir dans les bâtons, les sabres et les poignards le moyen de surmonter toute espèce de difficulté. Affranchis de cette routine de choses humaines qu'abâtardit les âmes, ils déployaient souvent une énergie à laquelle un observateur impartial n'aurait pu refuser son admiration. L'énergie est peut-être la plus précieuse des qualités de l'homme, et celle qui se trouve ainsi placée serait sans doute mise à profit par un bon système politique qui saurait en extraire les vertus bienfaisantes au lieu de la dévouer, comme on fait, à une destruction absolue. Nous agissons comme un chimiste qui rebuterait le métal le plus fin et ne voudrait mettre en œuvre que celui qui serait déjà assez altéré pour servir immédiatement aux usages les plus vils. Mais l'énergie de ces hommes ne se montrait à mes yeux qu'avec tous les vices de l'objet auquel elle était appliquée. Dépourvue du secours des lumières et guidée uniquement par des vues basses et étroites. Le séjour que je viens de décrire paraîtrait à beaucoup de personnes accompagné de mille inconvénients intolérables. Mais outre l'avantage qu'il avait d'offrir un champ vaste à la spéculation, c'était l'Élysée en comparaison de celui dont je venais de m'échapper. Les désagréments d'une mauvaise compagnie, l'incommodité du logement, la malpropreté, le tapage, tous ces inconvénients avaient perdu ce qui me causait le plus de dégoût et d'aversion, du moment où je ne me sentais plus obligé de rester au milieu d'eux. Il n'y avait pas de peine que je ne pusse endurer avec patience, quand je la comparais avec celle de se voir menacée à toute heure d'une mort violente et prématurée. Il n'y avait pas de souffrance qui me parût mériter d'être comptée pour quelque chose, dès qu'elle n'était pas infligée par la tyrannie, par la main froidement barbare d'une lâche prévoyance, ou par une vengeance lente et sourde dans ses effets. Ma santé se rétablissait de jour en jour. Les attentions et les complaisances de mon protecteur étaient continuelles, et son exemple avait inspiré les mêmes dispositions au reste de la troupe. Il n'y avait que la vieille gouvernante qui conservait toujours son animosité contre moi. Elle me regardait comme la cause de l'expulsion de Gaïnes. Gaïnes avait toujours été l'objet particulier de sa préférence, et dans le zèle dont elle était animée pour les intérêts de la société, elle trouvait qu'un écolier tout à fait novice à la place d'un vieux coquin bien expérimenté était un fort mauvais échange. Ajoutez à cela que naturellement elle était bilieuse et chagrine, et que les personnes de ce tempérament ne sauraient exister sans avoir sous la main quelque objet sur lequel elle décharge la mauvaise humeur qui les tourmente. Elle ne perdait pas une seule occasion de montrer, jusque dans les plus petites choses, la haine qu'elle me portait, et à tout moment elle me lançait des regards furibonds qui m'auraient exterminé s'il en eut la force. On voyait combien elle était désolée de ne pas donner pleine carrière à sa malice, et combien elle souffrait de ce que la rage qui la possédait était réduite à des boutades et à des grimaces, et ne pouvait se déployer sous un aspect plus formidable. Quant à moi, qui avait été accoutumé à faire face à des adversaires plus terribles et affronter d'autres dangers, toutes ces marques de fureur n'était pas capable de troubler ma tranquillité. Quand je me sentis mieux, je mis mon protecteur au fait de mon histoire, excepté de ce qui avait rapport à la découverte du fatal secret de M. Falkland. C'était une chose que je ne pouvais pas prendre sur moi de dévoiler, même dans une situation telle que celle-ci, où il n'y avait pas, à ce qu'il semble, la moindre probabilité qu'on pût en faire usage contre mon persécuteur. Néanmoins, celui à qui je faisais cette ouverture, de qui la façon de penser était tout l'opposé de celle de M. Forrester, ne prit pas ma réserve en mauvaise part, et ne tira aucune conséquence fâcheuse contre moi de l'obscurité que ce silence jetait sur le reste de mon récit. Il avait trop de pénétration pour qu'un imposteur puisse se flatter de lui en faire accroire, et il se fiait aussi sur cette pénétration. D'après cela, il n'est pas étonnant que mes manières franches et ouvertes aient porté la conviction dans son esprit, et que ma confidence n'ait fait qu'ajouter à la bonne opinion et à l'amitié que je lui avais déjà inspirée. Il écouta mon histoire avec beaucoup d'intérêt, et il se mit à commenter les différentes parties à mesure que je les lui rapportais. Il me dit que ce n'était là qu'un nouvel exemple des manœuvres perfides et tyranniques employées par les membres riches et puissants de la société contre ceux qui n'ont pas les mêmes privilèges. Rien n'était plus évident que leur disposition à sacrifier tout le reste de l'espèce humaine à leur plus petit intérêt ou au caprice le plus bizarre. Quel était celui qui, voyant dans leur véritable jour la position des choses, voudrait attendre l'instant où il plairait à ses oppresseurs de résoudre sa ruine totale plutôt que de prendre les armes pour sa propre défense quand il en était encore temps? Quel était le plus méritoire, de la basse et rampante soumission d'un esclave ou de la généreuse résolution d'un homme qui entreprenait de venger ses droits? Puisque l'administration partiale de nos lois réduisait l'innocence au niveau du crime, quand une fois le puissant était armé contre elle, quel homme d'un vrai courage pourrait balancer à lever l'étendard contre de telles lois? Et s'il faut souffrir de leur injustice, ne voudrait-on pas au moins faire connaître auparavant qu'ils foulent au pied leurs joues arbitraires? Quant à lui, ajoutait-il, il n'aurait certainement jamais embrassé sa profession actuelle s'il n'eût pas été forcé par des motifs aussi irrésistibles, et il espérait bien, puisque l'expérience m'avait fourni la même conviction d'une manière si frappante, qu'il aurait un jour le bonheur de m'avoir pour associé dans ses entreprises. On verra jusqu'à quel point l'événement a confirmé ses espérances. Les précautions que prenait la troupe pour éluder la vigilance des satellites de la justice étaient sans nombre. C'était une de leurs règles de ne commettre de brigandage qu'à une distance considérable du lieu de leur résidence, et Gaines avait transgressé cette règle dans l'attaque qui m'avait valu mon asile. Quand ils s'étaient emparés de quelques butins, ils avaient soin, à la vue des personnes volées, de suivre une route opposée, autant que possible à celle qui conduisait à leur véritable gîte. Le lieu de leur retraite, ainsi que tous ses environs, avait l'air d'un pays perdu et abandonné, et il avait la réputation d'être fréquenté par des esprits. La vieille dont j'ai fait le portrait y habitait depuis très longtemps, et était censé y demeurer seul. Sa personne répondait à merveille aux idées qu'on se fait d'une sorcière dans les campagnes. Ses hôtes n'entraient ni ne sortaient qu'avec la plus grande circonspection, et en général que de nuit. Les lumières qu'on découvrait de temps en temps dans les différentes parties de cette habitation étaient regardées avec effroi par les paysans des environs, comme des feux surnaturels, et si quelquefois le tintamarre d'une orgie venait à frapper leurs oreilles, ils ne doutaient pas que ce ne fût le bruit du sabbat. Malgré tous ces avantages, nos voleurs ne se hasardaient à y séjourner que par intervalles. Quelquefois, ils s'absentaient pendant des mois entiers et allaient demeurer dans quelque autre coin du pays. Tantôt la vieille les accompagnait dans ses émigrations, tantôt elle restait. Mais dans tous les cas, son déplacement avait lieu ou plus tôt ou plus tard que le leur. De manière que l'observateur le plus subtil aurait à peine pu remarquer aucune liaison entre les époques de son retour et le renouvellement des bruits de vol dans le pays. Quant aux fêtes infernales, les paysans s'imaginaient qu'elles avaient lieu indifféremment en l'absence comme en présence de la magicienne, et leur imagination frappée s'accommodait aisément à toutes les circonstances.